Je t'aime. Pourquoi je t'aime? Oh oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Pourquoi je t'aime? Mais je t'aime. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Pourquoi je t'aime? Mais je t'aime. Je t'aime. Pourquoi je t'aime? Parce que t'es jolie, t'es sympa et t'es super cool. Alors je t'aime.